Si ce n'est un chéri, un petit beauté bain, un coco feu pour un colique. Ma béné, on se la gagne, chéri. Ma joli qui s'est boyé. Beauté bain, un gué, mon baby, c'est boyé, coloca. Ma usine, un divin, un yo, papa. Oh yeah.